Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, une comédie avec Uma Thurman. Emma est la célèbre animatrice d'une émission de radio qui aide les gens à trouver l'amour et son livre est en tête des ventes. Des millions de gens la considèrent comme la meilleure conseillère qui soit en matière de relations humaines. Épanouie, elle s'apprête en plus à épouser Richard, un homme qui a tout pour plaire. Sa vie est un océan de plénitude. Jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive que par un étrange mystère, il semble qu'elle soit légalement déjà mariée. Très bien, appel suivant. Chaque jour, elle a des millions d'auditeurs. Si vous cherchez le prince charmant, vous allez vous brûler les ailes. Vous me conseillez d'annuler le mariage? Mais lorsque le docteur Love s'attaque à sa vie... Patrick, c'est fini, nous deux. Ne fais pas ça, Sophia. Je te demande de sortir pour qu'on puisse parler. Non, non, monsieur, non, vous pouvez baisser les mains. On est pompiers, on n'arrête pas les gens. Patrick ne s'énerve pas. Ton docteur Love va se marier. Ouais, on se demande qui veut épouser une femme pareille. Il se marie. Oh non. Tu voulais bien lui rendre la monnaie de sa pièce. Je suis marié. Je suis quoi? Déjà marié. C'est impossible. Alors, qui est Patrick Thomas Sullivan de Astoria? Dans le Queens. Monsieur Sullivan. Hé, tout le monde, cette jeune femme va se marier. Il va y avoir des étincelles. Uma Thurman. Qu'est-ce qui me prend? Pourquoi je passe du temps à courir dans le Queens la nuit avec un homme qui techniquement est mon mari? Colin Firth. Qui est cet homme qui se fait passer pour moi? Comment ça va, beau frère? Je vais tout expliquer. Un mari de trop. Une comédie de Griffin Dune avec Uma Thurman, un DVD Metropolitan.